Tu as décidé de partir. Va-t'en. Tu seras loin de toi. Mais oui, je t'aime. J'ai des sortes. Je te demande pardon. Je me réveille à peine. Je suis encore toute décoiffée. Ma fleur est là, quelque part.